Chapitre 4e. Et de nouveau, sur l'écran d'argent, papillota une image. C'était une vie de l'édifice même où nous nous trouvions aujourd'hui, de l'ancien asile créé par les sages Atlantes pour le jour de la condamnation. J'y voyais la foule terrifiée au moment de la catastrophe. Comme tout à l'heure, j'y voyais Mona. J'y voyais son père entrer dans des voies meilleures, si bien qu'il était au nombre des justes qui méritaient le salut. Je voyais l'immense salle rouler comme un navire dans la tempête, et les réfugiés se cramponner aux piliers ou tomber à terre. Je suivais du regard les mouvements alternatifs d'ascension et de chute imprimés par les vagues. Encore une fois, au bout d'un instant, tout se voila, et Manda se retourna, souriant, pour nous montrer que c'était fini. Oui, tous les trois, Manda, Mona et moi, nous avions déjà vécu dans le passé, comme il est possible que dans l'avenir nous allions déroulant, par une série d'actions et de réactions, la longue chaîne de nos existences. J'étais mort dans le monde d'en haut, je m'étais donc réincarné sur le plan d'en haut. Manda et Mona étaient morts sous les flots, là s'accomplissait en conséquence leur destinée cosmique. Nous venions de voir se soulever un coin du grand voile obscur de la nature. Un éclair de vérité avait déchiré à nos yeux le mystère qui nous environne. Chaque vie n'est qu'un chapitre d'une histoire conçue par Dieu. On ne peut mesurer la sagesse et la justice divine que le jour où, parvenu à quelque sommet du savoir, on voit, en regardant derrière soi, la cause et l'effet agir et réagir indéfiniment dans la chronique des siècles. Ma nouvelle et délicieuse amie nous sauva, peut-être à quelque temps de là, quand surgit le seul conflit que nous eûmes jamais avec nos hôtes. Il eût pu fort mal tourner pour nous, si une question plus grave n'était venue détourner leur attention et nous placer très haut dans leur estime. Un matin, si je puis user de ce mot alors que seuls nos travaux nous marquaient l'heure, j'étais avec le professeur dans la vaste chambre que nous occupions en commun. Il en avait aménagé un coin en laboratoire, et présentement, il s'y escrimait à disséquer un gastrotome qu'il avait capturé la veille. Sur sa table s'accumulaient dans le plus grand désordre les amphipodes et les sopépodes, avec les spécimens de valelle, de gentilles et de physalie, dont l'odeur avait infiniment moins d'agrément que l'apparence. Assis près de lui, j'étudiais une grammaire atlante, car nos amis possèdent quantité de livres, doublement curieux, en ce qui se lisent de droite à gauche et sont imprimés non pas comme je le crus d'abord sur du parchemin, mais sur des vessies de poissons comprimées et sèches. Désireux d'en pénétrer le sens, je consacrai une partie de mon temps à l'alphabet et aux éléments de langage qui devaient me le rendre accessible. L'irruption de trois personnes dans notre chambre interrompit de la façon la plus inattendue et la plus violente nos paisibles recherches. En tête venait Bill Scanlan, très échauffé, très rouge, et qui agitait un bras en l'air tandis qu'à notre extrême surprise il tenait de l'autre un bébé aussi criard que dodu. Derrière lui accourait Béatrix, l'ingénieur atlante qui l'avait aidé à monter un récepteur de 100 fils, homme grand et fort, d'humeur habituellement joviale, mais dont le chagrin contractait pour l'instant la grosse figure. Enfin, derrière Béatrix, se montrait une femme dont les cheveux couleur de paille et les yeux bleus disaient qu'elle n'appartenait point à la famille atlante, mais à cette race soumise que nous rattachions aux anciens Grecs. « Voyez donc, patron, » s'écria Scanlan, ce brave Béatrix, qui est un chic type, et madame que voilà, me paraissent vouloir se payer une crise de folie, si nous ne les tirons pas de peine. Autant que je crois comprendre, madame est ici ce que serait chez nous dans les États du Sud une négresse, et il a fait preuve d'indépendance en l'épousant. Mais ça, je suppose, c'est son affaire et pas la nôtre. Bien sûr, répondis-je. Quelle mouche vous pique, Scanlan? Je vais vous dire, patron. Un enfant leur est venu. Paraît qu'ici, on n'admet pas les naissances de ce genre. Et les prêtres vont sacrifier l'enfant à la bête d'idole qu'ils ont là-bas, dans leur temple. Leur chef, l'homme à la mitre, s'était adjugé le petit. Il s'en allait avec, quand Béatrix lui arrachait sa proie. Et moi, d'un direct, je voulais coller sur les oreilles. De sorte qu'à présent, nous avons toute la bande à notre trousse et que... Scanlan n'acheva pas. Des cris, des pas précipités résonnèrent dans le corridor. La porte s'ouvrit avec fracas. Des gens appartenant au service du temple, ainsi qu'en faisaient foi leur robe jaune, s'élancèrent dans la chambre. Ils précédaient le grand prêtre. Farouche et levant un nez hautain, le formidable pontife n'eut qu'à faire un geste. Instantanément, ses acolytes se ruèrent vers l'enfant. Mais ils s'arrêtèrent en voyant Scanlan le déposer derrière lui sur la table au milieu des spécimens, saisir un épieu et faire tête. Ils avaient tiré leur couteau. Un épieu à la main, je courus soutenir Scanlan. Bertrix suivit mon exemple. Nous avions l'air si décidés que les autres reculèrent. Leur situation marqua un répit. « Parlez-leur, monsieur Headley, » m'écria Scanlan. « Dites-leur qu'ils auraient tort de se frotter à nous. Dites-leur que pour aujourd'hui nous ne lâchons pas les enfants. Dites-leur qu'il y aura du gâchis s'ils ne le sauvent pas. » « Ah, très bien, patron. Voilà qui s'appelle faire à la fois la demande et la réponse, à la bonne heure. » Cette fin de discours s'adressait à Maracotte. S'interrompant tout à coup dans son travail de dissection, le professeur venait de plonger son scalpel dans le bras d'un serviteur qui, par un mouvement insidieux, s'était glissé près de Scanlan et levait sur lui son couteau. L'homme se mit à bondir de tous côtés en hurlant de souffrance. Fanatisé par les admonestations de son chef, la troupe allait nous donner l'assaut. Dieu sait ce qui fut arrivé si Manda et Mona n'étaient survenus. Manda considéra la scène avec étonnement et d'un ton animé posa toute une série de questions au grand prêtre. Cependant, Mona était accourue vers moi. J'eus une inspiration. Je pris le bébé et le lui mis dans les bras. Il se blottit en roucoulant. Manda, les sourcils froncés, ne cachait pas son embarras. Il renvoya au temple le grand prêtre et ses acolytes. Puis, resté avec nous, il entra dans de longues explications dont je fis part à mes camarades dans la mesure où je les comprenais moi-même. « Il faut que vous abandonniez le petit, » dis-je à Scanlan. « L'abandonner ? Non, monsieur, non, rien à faire. Mademoiselle se charge de la mère et de lui. Alors c'est une autre paire de manches. Si Mademoiselle Mona s'en charge, ça va. Mais si c'est le prêtre, il n'a pas à intervenir. Le conseil a seule qualité pour régler l'affaire. » Affaire d'ailleurs sérieuse, car si j'entends bien ce que dit Manda, elle touche à une coutume immémoriale de la nation et le grand prêtre se réclame ici d'un droit incontestable. Il paraît qu'on n'arriverait pas à distinguer la race supérieure de l'inférieure s'il y avait entre elles toutes sortes de races mixtes. Un enfant né d'une mésalliance doit mourir, la loi le condamne. Eh bien celui-là ne mourra pas, je l'espère. Manda me promet de faire tout le possible en sa faveur auprès du conseil. Le conseil ne se réunira que dans une semaine, en attendant rien à craindre. Et qui sait ce qui peut arriver d'ici là? Oui, qui savait ce qui pouvait arriver dans l'espace d'une semaine? Qui eût jamais rêvé ce qui effectivement arriva? Ce sera le prochain épisode, et le dernier de nos aventures.